Chapitre 18. Du lac Lomond au lac Catherine. Harry, portant Nell dans ses bras, suivi de James Starr et de Jack Ryan, redescendit les pentes d'Arthur Seat. Après quelques heures de repos et un déjeuner réconfortant qui fut pris à l'Umbridge Hotel, on songea à compléter l'excursion par une promenade à travers le pays des lacs. Nell avait recouvré ses forces. Ses yeux pouvaient désormais s'ouvrir tout grand à la lumière et ses poumons aspirer largement cet air vivifiant et salubre. Le vert des arbres, la nuance variée des plantes, l'azur du ciel avaient déployé devant ses regards la gamme des couleurs. Le train qu'ils prirent à General Railway Station conduisit Nell et ses compagnons à Glasgow. Là, du dernier pont jeté sur la Clyde, ils purent admirer le curieux mouvement maritime du fleuve. Puis ils passèrent la nuit à Comrie's Royal Hotel. Le lendemain, de la gare d'Edimbourg and Glasgow Railway, le train devait les conduire rapidement par Dumbarton et Balloch à l'extrémité méridionale du lac Lomond. C'est là le pays de Rob Roy et de Fergus MacGregor, s'écria James Starr, le territoire si poétiquement célébré par Walter Scott. Tu ne connais pas ce pays, Jack ? Je le connais par ses chansons, monsieur Starr, répondit Jack Ryan, et lorsqu'un pays a été si bien chanté, il doit être superbe. Il l'est, en effet, s'écria l'ingénieur. Et notre chère Nell en conservera le meilleur souvenir. Avec un guide tel que vous, monsieur Starr, répondit Harry, ce sera double profit, car vous nous raconterez l'histoire du pays pendant que nous le regarderons. Oui, Harry, dit l'ingénieur, autant que ma mémoire me le permettra, mais à une condition cependant, c'est que le joyeux Jack me viendra en aide. Lorsque je serai fatigué de raconter, il chantera. Il ne faudra pas me le dire deux fois, répliqua Jack Ryan en lançant une note vibrante, comme s'il eût voulu monter son gosier au-delà du diapason. Par le railway de Glasgow à Balloch, entre la métropole commerciale de l'Écosse et l'extrémité méridionale du lac Lomond, on ne compte qu'une vingtaine de milles. Le train passa par Dumbarton, bourg royal et chef-lieu de comté, dont le château, toujours fortifié, conformément au traité de l'Union, et pittoresquement campé sur les deux pics d'un gros rocher de basalte. Dumbarton est situé au confluent de la Clyde et de la Leven. À ce propos, James Starr raconta quelques particularités de l'aventureuse histoire de Mary Stuart. En effet, ce fut de ce bourg qu'elle partit pour aller épouser François II et devenir reine de France. Là aussi, après 1815, le ministère anglais médita d'interner Napoléon. Mais le choix de Sainte-Hélène prévalut, et voilà pourquoi le prisonnier de l'Angleterre alla mourir sur un roc de l'Atlantique pour le plus grand profit de la légendaire mémoire. Bientôt le train s'arrêta à Balloch, près d'une estacade en bois qui descendait au niveau du lac. Un bateau à vapeur, le Saint-Clair, attendait les touristes qui font l'excursion des lacs. Nell et ses compagnons s'y embarquèrent, après avoir pris leur billet pour Inversnaid, à l'extrémité nord du lac Lomond. La journée commençait par un beau soleil, bien dégagé de ces brumes britanniques dont il se voile le plus ordinairement. Aucun détail de ce paysage, qui allait se dérouler sur un parcours de 30 milles, ne devait échapper aux voyageurs du Saint-Clair. Nell, assise à l'arrière entre James Starr et Harry, aspirait par tous ses sens la poésie superbe dont cette belle nature écossaise est si largement empreinte. Jack Ryan allait et venait sur le pont du Saint-Clair, interrogeant sans cesse l'ingénieur, qui cependant n'avait pas besoin d'être interrogé. À mesure que ce pays de Rob Roy se développait à ses regards, il le décrivait en admirateur enthousiaste. Dans les premières eaux du lac Lomond apparurent d'abord de nombreuses petites îles ou îlots. C'était comme un semis. Le Saint-Clair côtoyait leurs rives escarpées, et dans l'entre-deux des îles, se dessinait tantôt une vallée solitaire, tantôt une gorge sauvage hérissée de rocs abrupts. « Nell, dit James Starr, Chacun de ces îlots a sa légende, et peut-être sa chanson, aussi bien que les monts qui encadrent le lac. On peut dire, sans trop de prétention, que l'histoire de cette contrée est écrite avec ses caractères gigantesques d'îles et de montagnes. « Savez-vous, monsieur Starr, dit Harry, ce que me rappelle cette partie du lac Lomond ?»« Que te rappelle-t-elle, Harry ?»« Les 1000 îles du lac Ontario, si admirablement décrites par Cooper. » Tu dois être comme moi frappé de cette ressemblance, ma chère Nell, car il y a quelques jours, je t'ai lu ce roman qu'on a pu justement nommer le chef-d'œuvre de l'auteur américain. En effet, Harry, répondit la jeune fille, c'est le même aspect, et le Saint-Clair se glisse entre ces îles, comme faisait au lac Ontario le cutter de Jasper Hawdouce. Eh bien, reprit l'ingénieur, cela prouve que les deux sites méritaient d'être également chantés par deux poètes. Je ne connais pas ces 1000 îles de l'Ontario, Harry, mais je doute que l'aspect en soit plus varié que celui de cet archipel du Lomond. Regardez ce paysage. Voici l'île Murray, avec son vieux fort Lennox, où résida la vieille duchesse d'Albany, après la mort de son père, de son époux, de ses deux fils, décapités par ordre de Jacques Ier. Voici l'île Clare, l'île Crow, l'île Thor, les unes rocheuses, sauvages, sans apparence de végétation, les autres montrant leurs croupes vertes et arrondies. Ici des mélèzes et des bouleaux, là des champs de bruyères jaunes et desséchées. En vérité, j'ai quelque peine à croire que les 1000 îles du lac Ontario offrent une telle variété de sites. « Quel est ce petit port ?» demanda Nell, qui s'était retournée vers la rive orientale du lac. « C'est Balmaha qui forme l'entrée des Highlands, » répondit James Starr. Là commencent nos hautes terres d'Écosse. Les ruines que tu aperçois, Nell, sont celles d'un ancien couvent de femmes, et ces tombes éparses renferment divers membres de la famille des MacGregor, dont le nom est encore célèbre dans toute la contrée. Célèbre par le sang que cette famille a répandu et fait répandre, fit observer Harry. Tu as raison, répondit James Starr, et il faut bien avouer que la célébrité due aux batailles est encore la plus retentissante. Ils vont loin à travers les âges, ces récits de combat. Ils se perpétuent par des chansons, ajouta Jack Ryan. Et à l'appui de son dire, le brave garçon entonna le premier couplet d'un vieux chant de guerre qui relatait les exploits d'Alexandre MacGregor du Glenstrae contre Sir Humphrey Colquhoun de Luss. Nell écoutait, mais de ces récits de combat, elle ne recevait qu'une impression triste. Pourquoi tant de sang versé sur ces plaines que la jeune fille trouvait immenses, là où la place, cependant, ne devait manquer à personne? Les rives du lac, qui mesurent de 3 à 4 milles, tendaient à se rapprocher aux abords du petit port de Luss. Nell put apercevoir un instant la vieille tour de l'ancien château. Puis le Saint-Clair remit le cap au nord, et aux yeux des touristes se montra le Ben Lomond, qui s'élève à près de 3 000 pieds au-dessus du niveau du lac. « L'admirable montagne !» s'écria Nell. « Et de son sommet, que la vue doit être belle !»« Oui, Nell, » répondit James Starr, « regarde comme cette cime se dégage fièrement de la corbeille de chênes, de bouleaux, de mélèzes qui tapissent la zone inférieure du mont. De là, on aperçoit les 2/3 de notre vieille Calédonie. C'est ici que le clan de MacGregor faisait sa résidence habituelle sur la partie orientale du lac. Non loin, les querelles des Jacobites et des Hanovriens ont plus d'une fois ensanglanté ces gorges désolées. Là, pendant les belles nuits, se lève cette pâle lune que les vieux récits nomment la lanterne de MacFarlane. Là, les échos répètent encore les noms impérissables de Rob Roy et de MacGregor Campbell. Le Ben Lomond, dernier pic de la chaîne des Grampians, mérite vraiment d'avoir été célébré par le grand romancier écossais. Ainsi que le fit observer James Starr, il existe de plus hautes montagnes dont la cime revêt des neiges éternelles. Mais il n'en est peut-être pas de plus poétique en aucun coin du monde. Et, ajouta-t-il, quand je pense que ce Ben Lomond appartient tout entier au duc de Montrose, sa grâce possède une montagne comme un bourgeois de Londres possède un boulingrin dans son jardinet. Pendant ce temps, le Saint-Clair arrivait au village de Tarbet, sur la rive opposée du lac où il déposa les voyageurs qui se rendaient à Inverurie. De cet endroit, le Ben Lomond apparaissait dans toute sa beauté. Ses flancs, zébrés par le lit des torrents, miroitaient comme des plaques d'argent en fusion. À mesure que le Saint-Clair longeait la base de la montagne, le pays devenait de plus en plus abrupt. À peine çà et là des arbres isolés, entre autres quelques-uns de ces saules dont les baguettes servaient autrefois à pendre les gens de petite condition. Pour économiser le chanvre, fit observer James Starr. Le lac cependant se rétrécissait en s'allongeant vers le nord. Les montagnes latérales l'enserraient plus étroitement. Le bateau à vapeur longeait encore quelques îles et îlots, Inverglass, Isledwo, où se dressaient les vestiges d'une forteresse qui appartenait au Macfarlane. Enfin, les deux rives se rejoignirent et le Sinclair s'arrêta à la station d'Inverslade. Là, pendant qu'on préparait leur déjeuner, Nell et ses compagnons allèrent visiter, près du lieu de débarquement, un torrent qui se précipitait dans le lac d'une assez grande hauteur. Il paraissait avoir été planté là comme un décor pour le plaisir des touristes. Un pont tremblant sautait par-dessus les eaux tumultueuses au milieu d'une poussière liquide. De cet endroit, le regard embrassait une grande partie du Lomond, et le Sinclair ne paraissait plus être qu'un point à sa surface. Le déjeuner achevé, il s'agissait de se rendre au lac Catherine. Plusieurs voitures, aux armes de la famille Breadalbane, cette famille qui assurait autrefois le bois et l'eau à Robroy fugitif, étaient à la disposition des voyageurs et leur offraient tout ce confort qui distingue la carrosserie anglaise. Harry installa Nell sur l'impériale, conformément à la mode du jour. Ses compagnons et lui prirent place auprès d'elle. Un magnifique cocher à livrée rouge réunit dans sa main gauche les guides de ses quatre chevaux et l'attelage commença à gravir le flanc de la montagne en côtoyant le lit sinueux du torrent. La route était fort escarpée. À mesure qu'elle s'élevait, la forme des cimes environnantes semblait se modifier. On voyait grandir superbement toute la chaîne de la rive opposée du lac et les sommets d'Arrochroar, dominant la vallée d'Inverglass. À gauche pointait le Ben Lomond, qui découvrait ainsi le brusque escarpement de son flanc septentrional. Le pays compris entre le lac Lomond et le lac Catherine présentait un aspect sauvage. La vallée commençait par des défilés étroits qui aboutissaient au glen d'Aberfoyle. Ce nom rappela douloureusement à la jeune fille ses abîmes remplis d'épouvante au fond desquels s'était écoulée son enfance. Aussi James Starr s'empressa-t-il de la distraire par ses récits. La contrée s'y prêtait d'ailleurs. C'est sur les bords du petit lac d'Arde que se sont accomplis les principaux événements de la vie de Rob Roy. Là se dressaient des roches calcaires d'un aspect sinistre, entremêlées de cailloux, que l'action du temps et de l'atmosphère avait durci comme du ciment. De misérables huttes, semblables à des tanières, de celles qu'on appelle bourroques, gisaient au milieu des bergeries en ruine. On eût pu dire si elles étaient habitées par des créatures humaines ou des bêtes sauvages. Quelques marmots, aux cheveux déjà décolorés par l'intempérie du climat, regardaient passer les voitures avec de grands yeux ébahis. « Voilà bien, dit James Starr, ce que l'on peut plus particulièrement appeler le pays de Rob Roy. C'est ici que l'excellent bailli, Nicol Jarvie, digne fils de son père, le diacre, fut saisi par la milice du comte de Lennox. C'est à cet endroit même qu'il resta suspendu par le fond de sa culotte, heureusement faite d'un bon drap d'Écosse et non de ses camelots légers de France. Non loin des sources du Forth, qu'alimentent les torrents du Ben Lomond, se voit encore le gué que franchit le héros pour échapper aux soldats du duc de Montrose. Ah, s'il avait connu les sombres retraites de notre houillère, il aurait pu y défier toutes les recherches. Vous le voyez, mes amis, on ne peut faire un pas dans cette contrée, merveilleuse à tant de titres, sans rencontrer ces souvenirs du passé dont s'est inspiré Walter Scott lorsqu'il a paraphrasé, en strophes magnifiques, l'appel aux armes du clan des MacGregor. Tout cela est bien dit, monsieur Starr, répliqua Jack Ryan. Mais s'il est vrai que Nicol Jarvie resta suspendu par le fond de sa culotte, que devient notre proverbe « Bien malin celui qui pourra jamais prendre la culotte d'un Écossais ?»« Ma foi, Jack, tu as raison, » répondit en riant James Starr. « Et cela prouve tout simplement que ce jour-là, notre bailli n'était pas vêtu à la mode de ses ancêtres. » « Il eut tort, monsieur Starr. Je n'en disconviens pas, Jack. » L'attelage, après avoir gravi les abruptes rives du torrent, redescendit dans une vallée sans arbres, sans eau, uniquement couverte d'une maigre bruyère. En certains endroits, quelques tas de pierres s'élevaient en pyramide. « Ce sont des cairns, » dit James Starr. « Chaque passant autrefois devait y apporter une pierre pour honorer le héros couché sous ses tombes. De là est venu le dicton gaélique. Malheur à qui passe devant un cairn sans y déposer la pierre du dernier salut. Si les fils avaient conservé la foi de leur père, ces amas de pierres seraient maintenant des collines. En vérité, dans cette contrée, tout contribue à développer cette poésie naturelle innée au cœur des montagnards. Il en est ainsi de tous les pays de montagne. L'imagination y est surexcitée par ces merveilles, et si les Grecs eussent habité un pays de plaine, ils n'auraient jamais inventé la mythologie antique. » Pendant ces discours, et bien d'autres, la voiture s'enfonçait dans les défilés d'une vallée étroite qui eût été très propice aux ébats des brownies familiers de la grande Meg Merrilies. Le petit lac d'Arklet fut laissé sur la gauche et une route à pente raide se présenta qui conduisait à l'auberge de Stronach Lacar, sur la rive du lac Catherine. Là, au musoir d'une légère estacade, se balançait un petit steamboat qui portait naturellement le nom de Rob Roy. Les voyageurs s'y embarquèrent aussitôt. Il allait partir. Le lac Catherine ne mesure que 10 milles de longueur sur une largeur qui ne dépasse jamais 2 milles. Les premières collines du littoral sont encore empreintes d'un grand caractère. « Voilà donc ce lac, » s'écria James Starr, « que l'on a justement comparé à une longue anguille. On affirme qu'il ne gèle jamais. Je n'en sais rien, mais ce qu'il ne faut point oublier, c'est qu'il a servi de théâtre aux exploits de la Dame du Lac. Je suis certain que si notre ami Jack regardait bien, il verrait glisser encore, à sa surface, l'ombre légère de la belle Hélène Douglas. « Certainement, monsieur Starr, » répondit Jack Ryan. « Et pourquoi ne la verrais-je point ? Pourquoi cette jolie femme ne serait-elle pas aussi visible sur les eaux du lac Catherine que le sont les lutins de la Houillère sur les eaux du lac Malcolm ? » En cet instant, les sons clairs d'une cornemuse se firent entendre à l'arrière du Rob Roy. Là, un Highlander, en costume national, préludait sur son bagpipe à 3 bourdons, dont le plus gros sonnait le sol, le second le si, et le plus petit l'octave du gros. Quant au chalumeau percé de 8 trous, il donnait une gamme de sol majeur dont le fa était naturel. Le refrain du Highlander était un chant simple, doux et naïf. On peut croire véritablement que ces mélodies nationales n'ont été composées par personne, qu'elles sont un mélange naturel du souffle de la brise, du murmure des eaux, du bruissement des feuilles. La forme du refrain, qui revenait à intervalles réguliers, était bizarre. Sa phrase se composait de 3 mesures à 2 temps, et d'une mesure à 3 temps finissant sur le temps faible. Contrairement au chant de la vieille époque, il était en majeur. Un homme véritablement heureux alors, ce fut Jack Ryan. Ce chant des lacs d'Écosse, il le savait. Aussi, pendant que le Highlander l'accompagnait sur sa cornemuse, il chanta de sa voix sonore un hymne consacré aux poétiques légendes de la vieille Calédonie. Beau lac aux ondes dormantes, gardez à jamais vos légendes charmantes, beaux lacs écossais. Sur vos bords on trouve la trace de ces héros tant regrettés, ces descendants de nobles races que notre Walter a chantés. Voici la tour où les sorcières préparaient leur repas frugal, là les vastes champs de bruyère où revient l'ombre de Fingal. Ici passent dans la nuit sombre les folles danses des lutins, là, sinistre, apparaît dans l'ombre la face des vieux puritains. Et parmi les rochers sauvages, le soir on peut surprendre encore Waverley qui, vers vos rivages, entraîne Flora MacIver. La dame du lac vient sans doute errer là sur son pâle froid, et Diana, non loin, écoute résonner le corps de Rob Roy. N'a-t-on pas entendu naguère Fergus au milieu de ses clans, entonnant ses pibrocs de guerre, réveiller l'écho des Highlands. Si loin de vous, lac poétique, que le destin mène nos pas, ravins, rochers, grottes antiques, nos yeux ne vous oublieront pas. Ô vision, trop tôt finie, vers nous ne peux-tu revenir? À toi, vieille Calédonie, à toi, tout notre souvenir. Beau lac aux ondes dormantes, gardez à jamais vos légendes charmantes, beaux lacs écossais. Il était 3 heures du soir. Les rives occidentales du lac Catherine, moins accidentées, se détachaient alors dans le double cadre du Ben Han et du Ben Venio. Déjà, à un demi-mille, se dessinaient les trois bassins au fond duquel le Rob Roy allait débarquer les voyageurs qui se rendaient à Stirling par Callander. Nell était comme épuisée par la tension continue de son esprit. Un seul mot sortait de ses lèvres. « Mon Dieu, mon Dieu !» chaque fois qu'un nouveau sujet d'admiration s'offrait à sa vue. Il lui fallait quelques heures de repos, ne fût-ce que pour fixer plus durablement le souvenir de tant de merveilles. À ce moment, Harry avait repris sa main. Il regarda la jeune fille avec émotion et lui dit « Nell, ma chère Nell, bientôt nous serons rentrés dans notre sombre domaine. Ne regretteras-tu rien de ce que tu as vu pendant ces quelques heures passées à la pleine lumière du jour ?»« Non, Harry, répondit la jeune fille, je me souviendrai, mais c'est avec bonheur que je rentrerai avec toi dans notre bien-aimé Houyer. » Nell, demanda Harry d'une voix dont il voulait en vain contenir l'émotion, veux-tu qu'un lien sacré nous unisse à jamais devant Dieu et devant les hommes? Veux-tu de moi pour époux? Je le veux, Harry, répondit Nell en le regardant de ses yeux si purs. Je le veux, si tu crois que je puisse suffire à ta vie. Nell n'avait pas achevé cette phrase dans laquelle se résumait tout l'avenir d'Harry qu'un inexplicable phénomène se produisait. Le Rob Roy, bien qu'il fût encore à un demi-mille de la rive, éprouvait un choc brusque. Sa quille venait de heurter le fond du lac et sa machine, malgré tous ses efforts, ne put l'en arracher. Et si cet accident était arrivé, c'est que, dans sa portion orientale, le lac Catherine venait de se vider presque subitement, comme si une immense fissure se fût ouverte sous son lit. En quelques secondes, il s'était asséché, ainsi qu'un littoral au plus bas d'une grande marée d'équinoxe. Presque tout son contenu avait fui à travers les entrailles du sol. « Mes amis, s'était écrié James Starr, comme si la cause du phénomène se fût soudain révélée à son esprit. Dieu sauve la nouvelle Aberfoyle.